Vous attendez quoi? Une petite collaboration. Avec des collaborateurs et certains produits qui me tiennent beaucoup à cœur. AverOS. AverOS. Et ouais, le temps n'est pas de mon côté. Le fric non plus d'ailleurs, mais faut se donner des buts pour avancer désormais. Arrêtez de se laisser aller à ruminer sur nos vies, nos passés. Je sais qu'aujourd'hui faut se dépasser, pousser nos limites pour avancer, faire de l'ordre dans nos pensées. Effacer nos erreurs passées, ou plutôt les utiliser comme moteur pour évoluer. La vie te fait pas de cadeaux, mais t'es pas le seul dans ce bateau. Et toi, le ciel t'aidera, même si t'es dans la merde, gars. Crois en toi, crois en ça, et tu verras que la chance tournera enfin vers toi. C'est vrai que la merde, c'est une journée sans fin. Noir sur des pages sans voir la fin. Heureusement, l'espoir est payant à la fin. Il reste des hommes et des femmes orphelins d'une terre saine, sans guerre ni chaîne. Fin. Demain, c'est loin, mais pas tant que ça. Pas, je te raconte pas, dès que j'arrive dans un endroit, je laisse personne indifférent. Apparemment les gens ressentent mon aura et savent qu'elle vaut mieux que toi tu l'auras. J'ai échappé à plusieurs contrats, renseigne-toi et mes exploits on te racontera. Si t'arrives avec skill et ragots et l'omerta qui règne autour de moi et de mes bras droits, qui comme moi dans le bien et le mal sont très adroits. Il faut qu'ils arrêtent de bafouer nos droits, ça dure depuis trop longtemps maintenant. On veut du changement, quitte à décapiter le roi et le président, qui font un bis de carte de résident, nous méprisent, mais nous ne sommes pas dupes de leur traîtrise. Si on est encore là, c'est qu'on se maîtrise, surtout en période de crise. Quand le manque d'argent se ressent, et que les tentations pourraient t'éloigner de ta mission, c'est rescapé, ça tient plus de l'obstination que de la motivation pour arriver à destination. Je comprends que ça puisse provoquer autant de fascination. Les délinquants ont fait leur introspection pour poser les bases de leur nation, pour répondre à l'aliénation dont ils sont les cibles. Et sache que Tupac Shakur et Bob Marley resteront mon Coran et ma Bible. Je tire un coup, boy. À la cowboy, esquive la cabane en cavale. Sur un truc comme dans la rue, la réalité fait peur. Je fais pas du cœur, se tenir à carreau, frère, offrir ton amour à Dean et Wally Dean. La vie c'est pas Walibi, chercher des alibis. Allaité par la mer, puis on l'oublie. Alléché par l'éphémère, puis on s'oublie. S'enlise, en oublier le sablier, le temps tourne et on contourne. Collectionne le fâche, puis se fâche, alors qu'on est fautif. J't'envoie la photo et le motif. Ma vie a pillable, qu'à trop de pertes de l'IAV. De l'offre envers la famille, l'ami. Trop de pertes de temps, combien de salades parties dans le vent. Trop de courants d'air, tension enrhumée. Trop de coups en l'air, condamné à ramer. Rattrapé, donc reculé, alors que d'autres avancent. Mais à qui la faute, à force de chercher la feinte. Lyrics triste, cœur saine. L'âme n'est pas saine, n'est pas celle qu'elle doit être, donc perdue. Chercher son temps à se trouver, troué par une vérité qui ne pardonne pas. L'enjeu vaut le jeu, même s'il est dangereux. Fais un paquet d'envieux, tant mieux, je m'en mieux. Fais ce que je veux, toujours de mon mieux. Je veux pas ma circision, le rap, pas pour plaisir. Pas pour rire, je suis pas le fils à pop qui manque de loisirs. Je renoncerai pas à mes convictions. Quoi, ma vie donne des frissons. Jaloux, t'étais pas là dans mon évolution. Je sais ce qu'on mérite, je sais ce qui mérite, je sais ce qui m'excite. Cache mon shit, y'a des patrouilles, baptisé dans la rue, t'es devenu la risée. Toi veux miser sur ta misère, même dans ta famille t'es devenu intérimaire. Premier opus dans les plaques, un missile sur dans les blocs. AverOS débarque avec sa bande de barque. Premier opus dans les plaques, un missile sur dans les blocs. AverOS débarque avec sa bande de barque. Premier opus dans les plaques, un missile sur dans les blocs. AverOS débarque avec sa bande de barque. Premier opus dans les plaques, un missile sur dans les blocs. AverOS débarque avec sa bande de barque.